fucking Japan, my European preuve. Je trouve les entrailles franquins de rêve. Défonce ta muraille, brandis sans mon beuve. Je te casse les os et tu fais couler ma fève. Prends pas pour un couteau, y'a pas d'âme dans son rêve. Moi je suis le master, tu y es mon slave. Oh, écoute ça. Je pisse sur ta race de chien, de bâtard, de catin. C'est trop tard. Je me parle de fils alors que je suis en pleine voir. Vas-y, pousse le vis, tu verras que noir c'est noir. Yalbé, c'est Yalbé. À force de vivre dans le brouillard, on finit pas pour la nuit. T'as fait moi un putain de barbare, écoute ça que je dis. On sera au rancœur que les boss ont rechoisi. Du chien de guerre au clochard, en face d'être de sa vie. On va débouler un soir, brûler l'extraverti. On a la dalle, mon gars, mon daron, on a que tout paré. Je cours